vous achetez pas de magazine. Rendez-vous chez le meilleur, s'il est en ville. Le très convoité Monsieur J. Cher crustacé, la carapace se porte bien.